Grosse nouvelle, où on commence une grosse chronique, une nouvelle chronique à danradiosport.com. C'est une chronique sur la NFL et la NCAA. Habituellement, ben, on sait qu'on couvre très bien la NFL avec notre ami Tony Guzzo et également Wallet. Mais j'ai trouvé tellement bon lorsqu'il l'avait interrogé à deux reprises sur ses papiers cet été pour parler des changements chez les Pats et ainsi de suite. Hugues Fouché du site internet lebitsnfl.com. Ben, j'ai décidé, on a trouvé une façon de lui faire une place parmi les collaborateurs réguliers de danradiosport.com. À tous les lundis, il va nous parler de la NCAA, des matchs qui sont survenus, et de la NFL également, et du Monday Night Football qui également. On en parle, donc c'est sa première chronique. Salut Hugues! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Hugues, très heureux de te joindre. Et je te remercie beaucoup de te joindre à la nouvelle équipe de collaborateurs de danradiosport.com. Comme je t'ai dit, je t'ai tellement trouvé bon que je t'ai décidé de te faire une place. Ben merci, Denis. Écoute, je suis très content d'être avec vous autres. Ça a été super le fun la dernière fois, puis je suis sûr que ça va continuer de l'être aussi là, dans nos prochaines chroniques. Hugues, on va commencer par les matchs de la NCAA. Kelly Costello, est-ce qu'il s'est fait un nom, oui. Ça, là? Elle est battue LSU à bâton rouge. C'est sûr que battre à domicile, cette année, ça n'a pas la même envergure parce que les foules sont moins là. Donc, ça, par le passé, c'est un impondérable, mais là, on ne le peut pas. Donc, mais est-ce que c'est fait un nom où il joue dans un système? Ben, effectivement, écoute, c'est intéressant. Lui, il jouait à Stanford les années passées dans un système conservateur. Puis tout le monde se demandait finalement c'était quoi un peu son potentiel parce que c'est un grand gars avec un bon bras, mais il jouait dans un système qui le mettait pas en valeur. Là, il est arrivé à Mississippi State avec Monsieur Pass lui-même, là, Mike Leach. Ouais. Et puis écoute, effectivement, 44 points contre LSU. Il a été dominant, il a lancé pour 500 verges et plus. Je pense de mémoire, écoute, effectivement, il est sur le radar. Là. Je pense qu'il pourrait peut-être être le Joe Burrow de cette année. Ça serait pas impossible de le voir monter. Là, puis de voir Mississippi State aussi peut-être causer d'autres surprises cette année. Là. Ça serait pas. Ils ont été impressionnants samedi, alors on va les garder à l'œil. Ben effectivement. Donc c'était un gros match également. Autre surprise qu'il faut noter également, c'est Oklahoma qui a perdu. Oui. Contre Texas, pas que Texas, oui, contre qui ils ont perdu Oklahoma? Ils ont perdu contre Kansas State. State en fin de semaine. Kansas State qui n'était même pas classé dans le top 25 également. Oklahoma, avant le match, était classé 3e. Donc, donc ça, c'est une défaite également qui fait très mal à Oklahoma. Ah oui, non, ils peuvent encore gagner le Big 12, mais leur chance d'être dans les séries cette année là, viennent de prendre tout un coup. Très, très dur début. Malgré tout, leur jeune corps arrière a bien joué, là. Mais écoute, ça a été une performance difficile. Leur défense n'arrêterait pas un courant d'air. Alors, à un moment donné, tu as besoin d'avoir des stops aussi en défense. Ils ont été incapables d'en avoir. Puis contre Kansas State, qui n'est pas la meilleure attaque non plus. Pour te dire, Skyler Thompson, le corps de Kansas State, là, beaucoup de gens ne le connaîtront pas, mais ceux qui suivent la NCAA de proche, ça fait peut-être 4 ans qu'il est corps partant. C'était son premier match de 300 verges en carrière. Fait qu'il faut que la défense de l'autre côté soit vraiment mauvaise pour que tu donnes le premier match de 300 verges à ce gars-là. Donc, je pense qu'Oklahoma vient de sortir, de se mettre dans le trouble. Pour le reste, je pense qu'on les verra pas en série cette année. Ça, non, ça serait surprenant, non? Non, mais là, ça va dépendre s'il y a des bowls, là. Oui. Ça va dépendre s'il y a des bons. Ils devraient en avoir normalement. Oui, ils veulent en faire, puis je pense qu'ils veulent faire aussi le championnat national. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas comment ça. Tu sais, le Pac-12 va jouer juste 6 matchs, le Big Ten va jouer 8 matchs. C'est dur à évaluer aussi. C'est dur, mais. Oui. Ça va être difficile cette année. Est-ce que même. Ces équipes-là vont recevoir de la considération, sûrement au Ohio State avec le Big Ten, mais ça va être difficile d'établir un calendrier de bowl, puis d'établir un calendrier de play-off, là, des 4 équipes qui vont être en série cette année. Ça va être vraiment, vraiment, je ne sais pas trop comment, à ce stade-ci, je pense que personne sait trop comment ça va fonctionner, puis probablement qu'eux autres même, là, ils doivent pas en être trop sûr. Alors, on va attendre de voir, mais d'une façon ou d'une autre, je pense qu'Oklahoma s'est tiré dans le pied. S'ils perdent un autre match, ils sont out, c'est sûr. Puis même avec cette défaite-là, ça va être difficile pour eux. OK. Autre match aussi que moi, j'ai regardé pas mal sur Fox, c'était Texas Tech contre Texas. Ça a été un gros match également. Ça s'est soldé en prolongation, mais le match était, je pense... Mais tu sais, encore une fois, on peut pas dire à domicile ou à l'étranger. T'sais. Quand il y a 10 000 personnes, 20 000, c'est pas la même affaire. Là. C'est un gros impondérable qu'on n'a pas cette année. Mais peu importe, Texas a gagné en prolongation. Oui, Texas, c'est une bonne équipe aussi. C'est peut-être eux qui pourraient profiter de la chute d'Oklahoma pour prendre le premier rang du Big 12. Eux, ou peut-être Oklahoma State. Mais moi, j'ai beaucoup, je vais te voir en fin de semaine, mis l'emphase sur le SEC qui commençait sa saison. Écoute, je voulais vraiment avoir Floride contre Ole Miss parce que... Moi, Floride, pour moi, c'est l'équipe qui pourrait peut-être causer des grosses surprises cette année. Ils ont une excellente équipe, puis leur corps arrière, Trask, est peut-être là, une carte cachée. C'est peut-être pas, je peux pas dire si c'est un bon prospect pour la NFL à ce stade-ci, c'est trop tôt, mais je peux te dire que pour le niveau collégial, ce gars-là, il est bon, il est expérimenté, c'est sa deuxième année, et là, ils ont complètement marché sur Ole Miss, ils ont battu 51-35, puis j'ai tendance à te dire là que j'ai vraiment l'impression que Florida, là, pourrait les Gators pourraient être la grosse surprise cette année, c'est tôt, là, mais ils ont été impressionnants, ils ont gagné assez facilement. Et ils ont la chance de pas être dans la même division qu'Alabama. Alors, ils pourraient peut-être les affronter en finale du SEC. Ça va être intéressant à suivre. OK. Avant de parler du Monday Night Football, qui est le gros oui. match en fin de semaine, c'est probablement un des meilleurs Monday Night depuis fort longtemps. Oui. Parce qu'avant, quand j'ai commencé sur le football, le Monday Night, c'était le gros match. C'était le match de la semaine, mais là, c'est rendu pas mal le Sunday Night, le match de la semaine. Mm. Mais là, je sais pas pourquoi, là, mais le Monday Night, c'est le match de la semaine. Parlons de ce qui s'est passé hier. Il y avait plusieurs bons matchs. Dallas contre Seattle. Oui. Ça s'est soldé à la toute fin par une victoire de Seattle. Oui. Ah oui, ça a été... ça a effectivement été tout un match. Russell Wilson a réussi 315 verges par la passe, 5 touchés. Donc, encore une fois, écoute, il a été fantastique. DK Metcalf de Seattle a montré sur le même jeu pourquoi il était le receveur le plus talentueux de sa classe, mais pourquoi il a été repêché juste en deuxième ronde. Tu sais à quel jeu je fais référence. Là. Et la longue passe qu'il a attrapée pour ensuite pas se rendre dans la zone début puis se faire ce qui a donné un touchback. Donc, les qualités athlétiques incroyables, mais l'attitude qui est peut-être pas toujours. Par contre, c'est lui qui a marqué le toucher de la victoire là, pour Seattle. Donc, il s'est repris pour l'erreur qu'il avait fait. Mais écoute, beaucoup de gros jeux des deux côtés. Ça a été un match spectaculaire. Mais à la fin, Dak Prescott, il a lancé pour 472 verges, mais écoute, il a causé 3 revirements à lui tout seul, 2 interceptions, 1 échappé. Au football, c'est pas comme ça que tu gagnes. Donc, non seulement la défense des Cowboys n'est pas très bonne, mais en plus, cette année, mais en plus, si tu commences à faire des revirements, alors que Russell Wilson, de l'autre côté, lui, non seulement il est productif, mais il crée jamais de revirements. Donc, Seattle a fini, la meilleure équipe a fini par gagner ce match-là. OK. Là, également le match que j'ai regardé ce matin. Oui. C'est sûr que les Broncos de Denver, c'est pas une grosse équipe, mais moi, je suis le premier. Hugues, je sais pas ce qu'on s'était dit. Moi, je suis le premier à dire que Tom Brady, c'est un an et de trop. Il avait pas l'affaire à s'en aller à Tampa Bay. Le gars avait tout gagné. Le gars avait tout gagné. Puis je me posais des questions. Sauf que il me surprend, Tom Brady, cette année. Moi, je me dis, quand t'as 43 ans, ça reste un point d'interrogation pareil. Depuis le début de la saison, moi, j'ai trouvé que les gens avaient été très durs avec dans son match contre les Saints d'Orléans. Le gars n'avait pas eu de match pré-saison. Nouveau système, nouvelle attaque. Bruce Arians a même critiqué. Il avait trouvé ça spécial un peu. Sauf que depuis deux matchs, il fait bien. Là, on semble revoir le Tom Brady d'avant. Oui. Écoute, Gronk, qui a fait des attrapés aussi, là. Oui. Écoute, je vais te dire une chose sur Brady. Moi, j'étais un peu de ton avis. Je n'étais pas sûr que c'était une bonne idée là, pour lui. Je le dis encore que c'était une année de trop, là. Oui. Puis, puis, écoute, l'année a tellement mal commencé. Ils ont mangé, les Bucks se sont fait, ont mangé une volée contre les Saints. Mais ce matin, les Bucks étaient premiers de leur division parce que les Saints sont à 1-2, puis les Panthers aussi. Donc, les Buccaneers sont premiers de leur division. Si les séries commençaient demain, là, c'est pas le cas, mais ils seraient en série comme champions de la division Sud. Donc, c'est quand même... mais écoute, moi, ce que je remarque de plus en plus, c'est qu'on est passé dans la première semaine d'une attaque de Bruce Arians à finalement, je pense qu'il s'est adapté à ce que Brady aime faire, puis ça ressemble beaucoup plus là, aux offensives des Patriots des dernières années, c'est-à-dire beaucoup de courtes passes, de tracés synchronistes, ce qui n'était pas le cas dans le premier match. Puis Brady, tu sais, tu peux pas prendre un corps de 43 ans, Danny, qui a joué dans un système depuis 20 ans, puis penser que tu vas changer sa façon de jouer avec un camp d'entraînement qui a même pas de match hors concours. Tu sais, c'est que ça avait pas de sens ce qu'ils ont tenté de faire au premier match. C'est comme si Arians avait voulu que Brady s'adapte à son système. Ça a vraiment pas fonctionné, mais là, il a comme donné du look et du bon regarde. Vas-y, fais ce que t'aimes faire, puis ça fonctionne bien. Puis sais-tu, Peyton Manning est arrivé la même chose quand il est arrivé à Denver. Ça avait été difficile au début, puis finalement, les entraîneurs là-bas avaient eu l'intelligence de dire, tu sais, garde, on va adapter notre système à ce que toi t'aimes faire. Puis c'est là, c'est ça qui a l'air de se passer. C'est que moi, j'ai l'impression que les Buccaneers vont peut-être à un moment donné, nous donner l'impression là, d'être une des équipes qui pourrait compétitionner pour se rendre loin en série. Je ne sais pas s'ils vont le faire, parce que Brady a quand même 43 ans. Je ne sais pas si en série, on verra ça, rendu ça là. Tomber mais... vite, hein, ça peut tomber vite. Tu sais, il reste que 43 ans. Peyton Manning, il y a eu une blessure. Moi, je compare beaucoup. Genre, j'ai vu Peyton Manning à la fin de sa carrière. Il y a eu une blessure. Il n'y avait plus de bras. C'est le gars, faut pas croire que c'est vrai que Brady souvent il c'est un corps intelligent hein, et souvent il sauvait de la pochette et il s'est pas fait plaquer souvent avec les parties, il lançait le ballon, tu sais, il est intelligent. Sauf qu'il reste les 43 ans, tu peux pas être un petit peu, le risque de blessure est plus grand qu'un corps de 25 ans. Faut pas croire ça. Mm-hmm. Je suis d'accord. Alors moi aussi je suis loin d'être sûr, mais présentement, il joue bien. Du côté des Broncos. Ouais. Du côté des Broncos, c'est tellement drôle parce que leur corps arrière, Driscoll, moi, c'est un gars qui avait commencé sa carrière en Floride dans le temps, dans NCAA. Mm. Et puis, qui avait changé pour Louisiana Tech. Puis, tu sais, c'est un gars, Jeff Driscoll, qui a certaines habiletés, il a un bon bras. Puis j'avais écrit à Martin Saint-Jean dans la journée, est-ce que tu penses qu'il pourrait, c'est le genre de gars qui s'y obtenait une chance, il pourrait être pas pire. Là, hier, là, si c'est la réponse, ça a été très difficile pour lui. Il a pas vraiment bien joué. Et même qu'il s'est fait remplacer en fin de match là par Brett Rippon. Alors non, finalement, ça a été difficile, mais au moins la bonne nouvelle pour les Broncos, c'est qu'ils vont jouer contre les Jets jeudi soir. Fait qu'il va bien falloir qu'une de ces deux équipes-là gagne un match. C'est la pire équipe en passant de la NFL actuellement. C'est les Jets, hein? Les deux équipes de New York, les Jets et les Giants, d'après ça moi. Ça va bien parce que Trevor Lawrence, deux... Oui. Hein? Ça va bien pour Trevor Lawrence. Il pourrait reculer un petit peu parce que les Darnell Jones, c'est pas mauvais, c'est un bon corps. Oui, quand même, oui. Là, et Sam Darnold, c'est pas la faiblesse des Jets, ça. Je suis d'accord, effectivement. Il est excellent. Ben, je veux dire, il y a du potentiel. Les deux ont du potentiel. Darnold, il y en a beaucoup, mais. Puis hey, je voulais te dire, j'ai un aspect plutôt drôle. Quand je regardais pour la chronique, la troisième semaine de l'année, c'est toujours la semaine où les choses peuvent changer de côté pour certaines équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui commencent à 2-0 puis qui sont pas si bonnes que ça, puis qui vont perdre leur premier match. T'sais, tout le monde qui fait des Survivors connaît le phénomène de la troisième semaine. Il y a bien du monde qui se font éliminer parce que on prend pour acquis que certaines équipes sont peut-être meilleures qu'elles sont. Puis à l'inverse, fait, moi, je m'amusais toujours chaque année à regarder. Puis il y a la plupart des équipes qui sont 2-0, là, ils ont une moyenne de moins de 500 la troisième semaine. Beaucoup d'équipes tombent la troisième semaine. Des vraies bonnes équipes continuent de gagner, mais Les autres perdent, c'est que je m'étais dit, on va parler de ça, ça va être drôle. Puis finalement, ben, tu sais, quand tu te prépares pour quelque chose, hier, c'est pas ça qui est arrivé. Les équipes qui sont 2-0 ont à peu près toutes gagné. Puis les équipes qui sont 0-2, la majorité ont perdu, là. Fait que finalement, je voulais quand même dire que d'habitude, il y a beaucoup d'équipes. Mais hier, on a quand même vu des équipes qui étaient 2-0 pour qui, tu sais, qu'on a peut-être surévalué, puis pour qui ça a été un petit peu plus dur, comme les Raiders qui ont perdu contre les Patriots, là, les Rams qui ont perdu, les Cards ont perdu, les Bears ont gagné, mais on s'est rendu compte que c'était difficile, les Jaguars ont perdu. C'est que, tu sais, on remet un petit peu les pendules à l'heure la troisième semaine. Là. Il y a des équipes qu'on pensait bien bonnes, puis que finalement, elles ne sont peut-être pas tant que ça. Oui, effectivement. Les Raiders contre les Pats, toi, ta plus belle qualité, c'est que tu es un partisan des Pats comme moi. Moi, je trouve que c'est ta plus belle qualité. Oui, oui. Donc, Il faut le dire, mais en même temps... On a des belles qualités. On le dit. Oui, mais on est capable de les critiquer quand ils jouent mal, mais ouais. Là, ça sera pas le cas cette semaine parce qu'ils ont fait un excellent match contre les Raiders. Écoute, la façon que je le vois, moi, c'est assez simple. Les Raiders, on sait que John Gruden aime pas beaucoup les Pats, là, pour des raisons évidentes du match du Tuck Rule, là, où il a encore l'impression de s'être fait voler ce match-là, puis bon, ça a été une défaite brise-cœur, puis etc., puis donc, ils étaient prêts. Les Raiders étaient vraiment prêts en première demi. Tous les petits jeux surprises et truqués que les Patriots font depuis que Cam Newton est là, c'est-à-dire les courses planifiées du corps arrière, les read options, les fameux end-around, le receveur de passe qui fait le tour, reçoit le ballon du corps arrière. Et tout ça, il n'y a rien qui fonctionnait. Évidemment, puis le livre de jeu des Patriots, c'est pas aussi volumineux qu'il a déjà été parce que c'est un nouveau corps arrière. Fait qu'il était prêt, il y a rien qui marchait. Ça a été une première demi épouvantable pour les Patriots, mais en même temps, les Raiders ont pas réussi à mettre suffisamment de points sur le tableau. En fait, c'était quand même 13-10 à la fin de la première demi. En deuxième demi, je veux le dire, là, parce que c'est les Patriots gagnent à peu près tout le temps, mais pas à peu près, là, ils gagnent toujours la bataille des ajustements à mi-temps. Jamais vu. Donc, ils se sont ajustés puis sont arrivés en deuxième demi avec une offensive qui était complètement... C'est la force de Bill Belichick, ça. Oui, il s'ajuste à la demi. Peut-être quand il peut parler à Ernie Adams aussi, là, qui sont... les deux arrivent avec un plan de match en deuxième demi. Écoute, ils sont arrivés avec une offensive complètement différente en deuxième demi, qui était celle, au fond, qui ressemblait à ce qu'ils faisaient en 2018, là, pendant les séries, quand ils ont gagné le Super Bowl. Alors, deux tight ends, beaucoup de Jacob Johnson, le centre arrière, des courses en puissance, complètement différent de ce qu'ils ont fait en première demi. Puis là, les Raiders n'avaient aucune réponse pour ça. Alors, ils se sont fait littéralement défoncer en deuxième demi, puis ça a fini 36-20, mais on s'entend que le dernier touché, là, ça a été fait dans du... c'est ça, c'est dans du garbage time. C'est que dans le fond, là, c'était 36-13, puis ça a vraiment été un massacre en deuxième demi. Alors, écoute, 250 verges au sol, 156 verges par la passe. C'est pas ce qu'on est habitué de voir des Patriots, là. Ça a fini. C'est le plan de match a changé avec Cam Newton. Écoute, il y avait quoi? Une passe de toucher ou il n'y avait aucune passe de toucher? Une interception. Oui, c'est vrai, t'as raison, mais je suis même pas sûr qu'il y avait, effectivement, il y a eu des touchés par la course, mais je suis même pas sûr qu'effectivement, écoute, par contre, hier, ce que, sur Cam Newton, son attitude a été impressionnante, parce qu'il y a rien qui fonctionnait en première demi, mais il y a jamais, il a pas pris de risques inutiles, qu'il a fait une couple de mauvaises passes, mais il a quand même resté discipliné, il a fait confiance aux entraîneurs pour changer le plan de match. Puis finalement, ça a été une bonne deuxième demi, mais lui, puis même si lui, hier, sa ligne statistique est pas bonne, ça a rien changé. On l'a vu faire des farces en fin de match. Il était content, l'équipe a gagné. Donc, franchement, j'avais des doutes, moi, sur l'attitude de Cam Newton, mais depuis son arrivée, franchement, là, non seulement il joue très bien, mais il a une belle attitude. Il y avait une conférence de presse. Tu sais, Cam Newton, il s'habille bizarrement. Il y a le même... dans sa conférence de presse après ça, c'est incroyable. Allez, rapidement, parce que le temps... Oui. Parce que, tu sais, je veux quand même pas faire des chroniques de 30 minutes. C'est pas parce que t'es pas intéressant, c'est parce que moi, des podcasts d'à peu près 40 minutes, là, c'est pas... OK, pas de problème. Les Packers qui ont battu les Saints au Superdome, encore là, normalement, c'est pas facile gagner au Superdome, mais cette année, avec tout ce qui se passe, c'est comme jouer à nulle part. Et oui. également, oui. Ce soir, c'est le Monday Night Football, le match. Oui, oui, monsieur. Écoute, les Ravens, cette année, pour moi, c'est l'équipe la plus complète de la ligue. Écoute, ils ont la meilleure défense à date. Ils donnent 11 points par match en deux matchs. Grosse attaque, grosse ligne à l'attaque, excellent front défensif, sont forts partout. Les Chiefs sont pas à 11, mais si les Ravens, Danny, gagnent pas le Super Bowl cette année ou se rendent pas au Super Bowl, ils vont passer à côté d'une opportunité parce qu'ils ont vraiment une équipe qui est construite pour aller jusqu'au bout. Ils ont pas de faiblesse, sont forts partout. J'ai hâte de voir, quand t'affrontes Pat Mahomes, tout peut arriver. Alors, c'est un corps qui fait des tours de magie. Alors, j'ai hâte de voir, là, vraiment, vraiment hâte de voir. Ça va être un excellent Monday Night Football. Effectivement. Hugues Fouché, très intéressant, très content. Il y a une belle chimie entre nous deux. Tout à fait. C'est pas parce que Tony, je l'adore aussi, c'est parce que, tu sais, ça fit bien, fait que... Avec un gros merci, puis on se reparle lundi prochain. Hey, ça me fait plaisir, alors bonne semaine. Notre ami Hugues Fouché du site internet lebetsnfl.com.